Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours, and we live it our way. Our own way. Explore un max de sons. Allez, 10h du pile dans toute la France, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Alex et je suis accompagné de Quentin ce matin. Bonjour la France, bonjour à tous. Bon réveil, l'émission qui vous emmène du TDH à l'apéro, 10h midi, c'est bien évidemment le morning de l'été. On est ensemble évidemment jusqu'à midi avec des actus, de l'info, de l'horoscope, la météo, bref. Bonne matinée qui se prépare ici même jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et accepte Tony, welcome tout le monde et bon réveil. Pourquoi tant de jalousie? Eh, pas la même.

Et le son de Galantis à l'instant, No Money, en direct évidemment jusqu'à midi. On rejoint Quentin là pour une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique, une rubrique récente qui vient d'apparaître. Ah, on va parler de quoi, Quentin? D'un champignon. Ah. Même mieux que ça, une truffe. Ah ouais. Oui, donc bah, tu connais les petites truffes qu'on déterre dans le Périgord. Ouais, et bah truffes ça coûte cher ça en plus hein. Ça coûte cher, bon bah celle-là elle va coûter encore plus cher puisqu'il y a un producteur australien qui a déterré l'une des plus grosses truffes noires jamais découvertes. Donc 1,5 kg la truffe. Ah, 1,5 kg quand même. Ah ouais. Ouais, ça a coûté cher je pense. Ouais, ça pue pour le porte-monnaie ouais. C'est le cas de le dire. Donc voilà, un producteur australien qui a déterré une truffe de 1,511 kg pour être exact. Voilà, bon bah rien d'exceptionnel, hein, à part la taille et puis le poids quoi. Et tu sais pas comment ça se vend Tant que je recherche. Ah, on explique aux auditeurs quand même qu'on est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. On a dormi 3-4 heures. Ça, il faut pas le dire fatigué, à la base. Non, mais ça, on est un peu fatigué, c'est vrai. Voilà, elle avait été adjugée à 400 euros au marché. Ah, 400 euros. Bon, ça va 400. Bah là, si c'est vrai, ça coûte cher. Allez, je vous invite, mes potes, on va manger une truffe. 1,5 kg pour 6 personnes, quoi. T'imagines? On va aller voir une pute. Oh non, on va bouffer un champignon. Bon, bah ça marche. Bah, merci en tout cas, Quentin. Mais je t'en prie. En direct, évidemment. Chacun met 100 euros, on mange à 4. Hein? Je dis, chacun met 100 euros, on mange à 4. Ouais, ça fait cher. Ça fait cher, ouais. Pour une truffe de 1,5 kg, ouais. Ouais. Sachant qu'à 400 euros, tu peux bouffer un resto tous les jours pendant un mois. Bon, 400 euros le resto, faut vraiment aller dans Paris, centre. Non, mais je veux dire, 400 euros, pendant un mois, tu peux bouffer un resto tous les midis, je veux dire, au lunch. Ah, ouais, oui. Même mieux que ça, je pense. En direct, évidemment, jusqu'à midi, ça se passe comme ça. Merci en tout cas d'être avec nous là, ça fait bien plaisir. Et vos messages avec le hashtag Morning Radio Mix Floor. Et pour la suite, Kaina Samet avec Ça va aller. Tu déjà tous tes problèmes toi par la fenêtre. Voilà. J'ai des rêves et des projets, et je dois avancer sans regretter. Ça va aller. J'ai ma famille, j'ai le smile et j'ai la santé. Single ailleurs sur Radio Mixplore. What happened to fantasizing about what we wanna be? When do we settle for a life that isn't free? When are we gonna realize this ain't how it's supposed to be? Radio Mixfloor, Benjamin Braxton à l'instant, c'est ici que ça se passe jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir avec tous vos messages, hashtag morning Radio Mixfloor comme Tony de Saint-Etienne là, dédicace à toute la clique, et bah merci à toi, ça fait bien plaisir en tout cas. Et puis nous évidemment, le son du bonheur, le son du soleil, le son de l'été évidemment, parce que il fait beau partout en France, c'est ça qui est bon. Bah Madcon avec Willy William, keep my cool, bonne matinée, bon réveil. If I act a fool, it's because of you. You take me back in time, feels like 1989. If I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? Il est juste énorme avec Willy William, Keep My Cool en direct évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et puis on est là ensemble avec Quentin. Et puis Quentin, en moins de 3 minutes, on va parler d'une nouvelle chronique. On va parler de quoi, tiens? Oui, est-ce que tu as mangé du fromage? Quand? Habituellement. Ah, j'adore le fromage, ouais. T'adores le fromage? Ah, oui, j'adore. Est-ce que tu as mangé des couteaux?

Dancefloor. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down. En direct évidemment jusqu'à midi. Et puis là tout de suite un petit tour du côté de la météo. Et bah ouais, faut savoir s'il va faire beau du côté de chez vous aujourd'hui. Bah aujourd'hui c'est David pour la météo. Météo. Allez, la météo de mercredi 24 août 2016. Attention, à l'Île-de-France, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et Lyon sont placés en vigilance orange canicule, 14 départements. Ça va donc être encore chaud et ensoleillé aujourd'hui sur la majeure partie du pays. Seuls, eh bien, quelques nuages contrarieront l'ensoleillement sur la façade océanique. Par ailleurs, cet après-midi, le ciel deviendra menaçant de la Bretagne au Cotentin avec un risque d'averse localement orageuse. Côté température, les minimales comptaient 14 à 19 degrés, 20 à 22 degrés près de la Méditerranée. Cet après-midi, 22 à 28 degrés de la Bretagne à la pointe du Cotentin, 28 à 31 degrés sur les rivages du nord de l'Atlantique et de la Méditerranée, 30 à 35 degrés à l'intérieur des terres, jusqu'à 36, 37 degrés dans le sud-ouest, le centre et l'Île-de-France. You know that girl really turned me on. We were on. électrique, et l'avenir est étriqué. Faut qu'on perd fort, faire fort, finir friqué. Entouré de briques, et l'amour est fabriqué. Je pisse en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor, man, so much more. Get moving yeah. That way. Remarque la police, get on star. Get on star, décropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoking one. If you want to, you can stay. Et je représente le hip hop, hip hop. Sans de la vie, ce que ma clique. Allez, 10h, passé de 57 minutes, c'est ici que ça se passe, jusqu'à midi, le morning de l'été. Merci en tout cas de vous réveiller évidemment avec la bonne humeur et puis avec du soleil partout en France. Et d'ailleurs, quand on pourra pas dire le contraire, il fait très chaud dans les studios. Il fait très chaud, hein, monsieur. On a essayé d'ouvrir les fenêtres et tout, ça devient discothèque parce que pendant la musique, on met à fond les retours. Et du je suis en train de m'essuyer le front depuis tout à l'heure. Tout le monde sait qu'il y a maintenant une station de radio. Voilà. Bon, allez, on rejoint du coup Quentin pour une nouvelle chronique. Donc voilà, tout à l'heure, je te demandais si tu aimais le fromage. Mais oui, j'adore. Tu m'as répondu oui. D'ailleurs, t'aimes bien quoi comme fromage? Ah, moi j'aime de tout. Moi, je suis vraiment la grande gueule. La grande gueule du fromage, ouais. Du brie. Du brie, ouais, aussi, ouais. Bon, enfin bref, là n'est pas la question, puisque tout à l'heure, je t'ai également demandé si tu adorais manger des couteaux. Bah, tu m'as répondu non, évidemment. Bah, rassure-toi qu'il y a un mec qui, en Inde, hein, qui a mangé des couteaux. Ah ouais. Oui, 40 couteaux. Donc apparemment, ce sont des pouvoirs spirituels qui l'ont poussé à faire ça. Ah, c'est ouais. Ce qui a expliqué aux policiers. Donc c'est un homme âgé de 42 ans, il a eu 5 heures de bloc pour lui retirer tous les couteaux. Et des couteaux... Ah, il en a mangé combien? Une soixantaine. Il faisait ça en 2 mois, il a marqué qu'il faisait un couteau par jour pendant 2 mois. Mais c'est pas possible, tu peux pas manger un couteau. C'est des pouvoirs spirituels, il était vraiment concentré à fond sur son... Bah, il y avait des pouvoirs en lui en fait. Bon, tu connais les hindous, hein, ils sont vraiment en train c'est de chou, voler ça. Les jambes croisées. Chou. En effet, c'est chaud, non ouais, ça coupe, surtout l'estomac quoi. Et donc un couteau de 18 cm de longueur avec des manches en bois et en métal. Ah ouais, effectivement. Et il a expliqué aux policiers qu'il ressentait des douleurs phénoménales à l'intérieur du... comment on appelle ça? Dans le... Ouais, dans le ventre, ouais, ah, mais oui. Juste là, ici, là. L'estomac. Dans l'estomac, ouais, voilà. Ah bah, tu m'étonnes. Ah ça ouais, doit faire mal. Effectivement, donc ça doit faire mal. 5 heures de bloc, 42 ans, couteau de 18 cm de longueur avec un manche en bruit en métal. C'est vrai qu'ils sont spéciales. Il y a comme un. Ah, ça klaxonne là. Du coup. Et, parce qu'on entend tout du coup là. On a ouvert les fenêtres. Ouais. Et il y avait un mec, une fois, il était resté genre 10 ans sous un arbre sans manger et sans boire. Ouf, je crois que c'était un peu. C'est vrai, c'est bizarre hein, comment ils arrivent à ouais, tenir. C'est pire que ça. Ouais, c'est comment tu ferais toi rester sous un arbre, tu manges les feuilles, je sais pas. Ah, bah non, il mangeait rien du tout. Il mangeait rien, il buvait. Pendant combien de temps? 10 ans, je crois. Ouais, c'est pas possible. Ah si, vas-y. Tu peux pas tenir 10 ans sans manger. Bah écoute, regarde, si c'est vrai, c'est un gamin qui a fait ça, on va pas parler d'un incroyable et tout. Tiens à voir. Bah, merci en tout cas Quentin pour sa rubrique qu'on rejoindra évidemment. Tout à l'heure, reste avec nous, on est là évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Il est 11h. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Tout pile 11h sur la première web radio Dance Floor de France. Merci de se réveiller avec nous évidemment, Quentin et moi-même au micro. Évidemment. Ici même jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Bon réveil. Chérie,

Radio Mix Floor. Tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici. New hit. But you, when you dance, dance, dance, feel the good, good creeping up on you. So keep dancing. Jump and show them, show them. Oh, oh, oh. Jump and show them, show them. These times. Radio Mix Floor, un max de son dance floor, un max de son dance floor. J'adore ce son. Alvaro Soler à l'instant avec Sofia en direct hein, jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Merci en tout cas d'être avec nous là, ça fait bien plaisir. Et vos messages là, comme Mathieu de Strasbourg à l'écoute du morning Radio Mix Floor, vous déchirez les gars, dernière semaine, c'est triste. Bah ouais, bah, y a la rentrée qui arrive hein, malheureusement. Hein. Mais bon, en tout cas, heureusement pour nous, on a prévu plein de bonnes choses. Ça arrive évidemment dès ce soir sur la page Facebook Radio Mix Floor. Restez connectés. Tout de suite, les infos insolites avec David. C'est l'insolite news. C'est l'insolite news. On parle aujourd'hui d'une jeune conductrice qui a littéralement plongé dans un lac avec sa voiture après avoir suivi les instructions données par son GPS. Alors qu'elle pensait suivre une route, en fait, elle s'est engagée sur une rampe de mise à l'eau de bateau. Heureusement, sans gravité. Faites demi-tour dès que possible. C'est peut-être la phrase qu'a entendue cette jeune Canadienne avant de couler progressivement dans un lac de Tobermory dans la région de l'Ontario. Alors ça s'est passé il y a quelques jours. La météo n'était pas vraiment clémente, avouons-le. C'est ce qu'explique une dépêche de l'agence de presse canadienne. Il faisait donc brumeux et pluvieux. De ce fait, une automobiliste âgée d'une vingtaine d'années avait décidé de faire confiance à son GPS pour suivre sa route. Un peu trop aveuglément sûrement. En effet, alors qu'elle pensait suivre normalement sa route, elle empruntait une rampe de mise à l'eau pour des bateaux qu'elle a rapidement compris. Évidemment que sa voiture était en train de se faire inonder. Par chance, elle a pu s'extraire du véhicule et a pu rejoindre le bord du lac sans se blesser. Sa voiture a été retirée de l'eau le lendemain, comme le montraient des photos postées sur Facebook.

pulsion, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Allez, le son de AMD à l'instant en direct hein, sur Radio Mixlor jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Merci en tout cas pour tous vos messages, ça fait bien plaisir. Alors, la suite, évidemment, le son de l'été. Ah, bah oui, on l'a entendu, évidemment, ça tout l'été dans les boîtes, partout au camping même. Hein, et puis, vous êtes très nombreux à me demander celui-là. Daero à l'instant avec Bailar pour la suite. Instant Bailar et on joint tout de suite David pour la suite avec les infos high-tech en direct, 11h passé de 32 minutes, c'est ici que ça se passe jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, bon réveil. L'actu des nouvelles technologies, c'est high-tech news. On va parler d'une voiture Tesla qui a pris feu lors d'un test. Heureusement, aucun des trois passagers, un couple et une hôtesse de la marque Tesla qui participaient au test de cette voiture américaine, ont été blessé. Cela s'est passé à Anglet, près de Biarritz et Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est là que l'incident a eu lieu. Après avoir entendu un bruit sourd, puis qu'un message d'erreur sur le problème de charge se soit affiché sur le tableau de bord de la voiture, la conductrice de l'essai a demandé au conducteur de se garer sur le côté pour qu'elle puisse appeler Tesla, comme le rapporte le journal Sud-Ouest. Une minute après, bien de la fumée sortait du côté droit de la voiture avant que la Tesla ne s'embrase. On ne connaît pour l'heure pas les causes qui ont pu entraîner l'incendie, ni même si elles sont internes ou externes. Ce n'est pas la première fois qu'une Tesla prend feu cependant. En 2013, une berline modèle S qui, bien qu'elle se soit embrasée pour des raisons externes, avait fait chuter la société américaine en bourse. Tesla a donc vite réagi pour assurer de sa bonne volonté et de son implication. Je cite « Nous travaillons avec les autorités pour déterminer les circonstances de l'incident et leur offrons notre entière coopération. Les passagers sont sains et saufs. Ils ont pu sortir du véhicule avant que l'incident ne survienne. » Évidemment, on aura l'occasion probablement d'en reparler dès qu'on en saura plus. Et puis, petite information sur le prochain iPhone 7. De nouvelles photos sont apparues et il se murmure, ça reste à confirmer, que le prochain smartphone d'Apple bénéficiera d'une technologie de charge rapide. En tout cas, là aussi, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. High-tech news. Radio Mixlore. Radio Mixlore. Un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Je connais pas mon salaire, mais je parle des boutiques.